somme distribuée par prélèvement sur les réserves. Un rappel pratique. Seul le nu propriétaire d'actions bénéficie des sommes distribuées par prélèvement sur les réserves, car celles-ci constituent un accroissement de l'actif social, lui revenant en tant que tel. Quant à l'usufruitier, il n'a droit qu'aux bénéfices distribués. Étant précisé que le quasi-usufruit autorise l'usufruitier à percevoir les réserves, mais à charge pour lui de les restituer au nu propriétaire à la fin de l'usufruit.